Chapitre 6e. Le plus grand trésor du monde. Vous comprendrez sans peine que Midas ne tarda pas une minute. Il se saisit aussitôt d'un grand pot de terre, mais là ce pot n'était déjà plus de terre à son contact, et courut au lieu indiqué. À mesure qu'il trottait lestement, en se frayant chemin à travers les buissons et les arbrisseaux, le feuillage se mit à jaunir, au prodige, comme si l'automne avait passé à cet endroit seulement. Parvenu au bord de la rivière, il s'y précipita tête baissée, sans même avoir la précaution d'ôter ses chaussures. « Pouf, pouf, pouf !» s'en allait-il soufflant en sortant la tête de l'eau. « Voici un bain d'une fraîcheur délicieuse. J'espère qu'il m'aura tout à fait débarrassé du toucher d'or. » Et il se hâta d'emplir son vase. En le plongeant dans l'eau, son cœur battit de plaisir à voir ce bon et honnête vase d'argile se transformer doré chef et recouvrer sa nature primitive. Midas avait conscience en outre qu'un changement s'était opéré en lui-même. Sa poitrine se dégageait d'un poids écrasant et glacial. Sans nul doute, son cœur avait petit à petit perdu sa substance humaine et s'était transmué en un organe insensible et métallique. Mais évidemment, il se ramollissait et s'adoucissait comme un vrai cœur de chair. Apercevant une violette sur le rivage, Midas la toucha du doigt et fut au comble de la joie en s'assurant que la délicate petite fleur avait conservé sa nuance naturelle, au lieu de s'éteindre en jaune, brillant, il est vrai, mais couleur de feuilles mortes. Le maudit toucher d'or lui était donc bien positivement enlevé. Le roi Midas rentra bien vite au palais. Je suppose que les domestiques étaient tout ébahis à la vue de leur royal maître apportant avec tant de soin une simple cruche d'eau. Mais cette eau, qui devait réparer tout le mal causé par l'extravagance de Midas, avait pour lui plus de prix qu'un immense océan d'or fondu. Il n'eut rien de plus pressé, comme vous devez bien vous l'imaginer, que d'asperger la figure métallique de Marie d'or. À l'instant même où l'eau effleura la chère enfant, vous n'auriez pas pu vous empêcher de rire à l'aspect des roses animant de nouveau ses petites joues. Et quand elle se mit à éternuer et à repousser l'eau qui lui entrait dans la bouche, elle n'en revenait pas de se trouver toute mouillée et de voir son père continuer à l'arroser avec tant d'empressement. « Ah, cher père, je vous en prie, finissez » criait-elle. « Me voilà tout inondée, et c'est ma belle robe que j'ai mise ce matin pour la première fois. » Car Marie ne savait pas qu'elle avait été une petite statue d'or. Il ne se souvenait de rien, depuis le moment où elle s'était élancée, les bras ouverts, pour consoler le pauvre roi Midas. Celui-ci ne crut pas nécessaire de dire à son enfant chéri quelle folie il avait commise. Il se contenta de lui prouver qu'il était devenu beaucoup plus sage. À cet effet, il conduisit la petite Marie d'or dans le jardin, où il fit une aspersion générale avec le reste de l'eau, et avec tant de succès que plus d'un millier de roses recouvrèrent leur fraîcheur primitive. Deux circonstances, cependant, rappelèrent à Midas, tant qu'il vécut, ce fameux don du toucher d'or. La première, c'était que les sables de la rivière brillaient comme de la poudre d'or. L'autre, que les cheveux de sa fille avaient pris une teinte qu'il n'avait pas remarquée avant de lui donner ce baiser, cause de sa métamorphose. Ce changement de nuance était réellement une beauté de plus, et la chevelure de Marie avait gagné un éclat qu'elle n'avait pas auparavant. Le roi Midas, devenu tout à fait vieux, prenait plaisir à raconter cette histoire merveilleuse aux enfants de Marie d'or, quand il les faisait sauter sur ses genoux, et la leur disait à peu près dans les termes que je viens de vous rapporter. Puis, il passait ses doigts dans leurs boucles soyeuses et leur disait que leurs cheveux avaient aussi des reflets dorés qu'ils tenaient de leur mère. Et pour ne rien vous cacher, mes gentils petits amis, répétait Midas, qui ne cessait pas de faire aller les enfants au trot et au galop, depuis ce matin-là, je n'ai jamais pu souffrir la vue de ce qui avait la couleur de l'or, excepté vos jolis cheveux blonds.